إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence le cours 57 aujourd'hui dans l'explication du résumé du Sharh Kitab al-Tawhid, al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et aujourd'hui on commence le chapitre numéro 48. Babun man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw al-Qur'an aw ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui est mentionné du fait de plaisanter à propos de quelque chose dans lequel il y a le rappel d'Allah, ou à propos du Coran, ou à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc de plaisanter à propos de la religion, ou de se moquer de quelque chose qui a rapport avec le rappel d'Allah, ou le Coran, ou le messager sallallahu alayhi wa sallam, ou de la religion en général. Le cheikh il mentionne le verset qui est le verset 65 dans surat التوبة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. Et si tu leur demandes, ils diraient que nous ne faisions que discuter et plaisanter ou jouer. Et la suite du verset c'est: قل بآياتي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien renié la foi. قد كفرتم, après avoir eu la foi. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc c'est le verset 65. 66, surat al-Tawba. Et le Cheikh explique, il dit: munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid bayan hukm man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw al-Qur'an aw ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa annahu kufrun munafin lit-tawhid. Donc le Cheikh il dit, l'occasion de la mention de ce chapitre dans kitab al-tawhid, c'est pour clarifier que celui qui se moque de quelque chose qui contient un rappel d'Allah ou le Coran ou bien du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il est tombé dans quelque chose qui est kufr, qui oppose le tawhid et qui vient nier le tawhid. Et le cheikh ensuite il explique quelques points à propos du titre de ce chapitre. Donc babun man hazala ila akhirih, man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw al-Qur'an aw ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ila akhirih. Le cheikh il dit: babu bayani hukm man fa'ala dhalik, c'est-à-dire le chapitre au sujet du verdict de celui qui fait ce genre de choses, c'est-à-dire qui se moque de la religion ou fait des blagues au sujet de la religion ou fait des plaisanteries au sujet de la religion ou se moque et se raille de la religion ou des religieux ou des gens qui pratiquent l'islam ou des gens qui pratiquent la sunna ou des choses de ce genre ou des aspects de la religion que ces gens-là pratiquent, comme quelqu'un qui fait des blagues à propos de la, du hijab ou du niqab, ou à propos de la barbe, ou à propos de, des aspects de la sunna que les musulmans pratiquent, ou bien qui se moque de versets dans le Coran, du paradis ou de l'enfer, ou qui se moque de certaines, certains savants de l'islam ou des choses comme ça. Donc ça c'est des exemples de kufr qui font sortir de l'islam. Le cheikh explique donc hazala al-hazlu al-mizahu diddu al-jadd. Donc al-hazl c'est le fait de plaisanter. C'est le contraire d'être sérieux. Et il dit wala in, donc il explique le verset wala in al-lam lamul qasam. Donc le lam dans ce verset qui au début de ce verset c'est un lam du serment. Hein? Et il dit donc wala in sa'altahum al-khitab lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ay sa'alta ha'ula al-munafiqina 'an istihza'ihim bika wa bil-Qur'an. Donc si tu leur demandes certes si tu leur demandes, c'est-à-dire ça s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire si ô toi le messager, si tu demandes à ces hypocrites au sujet de leur moquerie à propos de ton à ton sujet ou bien au sujet du Coran, la yaquluna mu'tadhirin nakhudu inma kunna nakhudu wa nal'ab lam naqsud al-istihza wa at-takdhib wa inma qasadna al-khawd fi al-hadith wa al-la'b. Le cheikh il explique, il dit si tu leur demandes au sujet de ce qu'ils ont fait comme moquerie, ces hypocrites, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran, ils diront comme excuse qu'ils ne faisaient que discuter et jouer. C'est-à-dire qu'ils vont mentionner comme excuse qu'ils n'avaient pas eu l'intention de se moquer ou de traiter de mensonge la religion, mais ils voulaient seulement discuter, parler et s'amuser, jouer entre eux. Dis, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ces gens-là, « قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ أَيْ قُلْ لَهُمْ تَوْبِيخًا لَهُمْ عَلَى اسْتِهْزَائِهِمْ وَالْخِطَابُ لِلنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ عُذْرَكُمْ هَذَا لَنْ يُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. » C'est-à-dire, dis-leur pour les blâmer de leur moquerie. Dis, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes, de son messager, que vous vous moquez? C'est-à-dire, dis-leur pour les blâmer et pour leur montrer la moquerie qu'ils ont fait. Et là, Allah il s'adresse à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de leur dire, est-ce que c'est d'Allah? Est-ce que c'est de ses signes? Est-ce que c'est de son messager dont vous vous moquiez? Donc ces excuses-là que vous présentez, elles ne vont rien vous faire profiter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne vous serviront à rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne vous excusez pas, la ta'taziru, qad kafartum, vous avez rejeté la foi, vous êtes devenus des kuffars, ba'da imanikum, après avoir eu la foi, après votre foi. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général du verset. يقول الله تعالى, et ça à notre époque c'est devenu quelque chose de courant, du fait que il y a des gens qui gagnent leur vie à faire des plaisanteries et à se railler. Et il y en a parmi eux, parmi les gens de cette catégorie, qui se raillent de la religion et qui prend la religion comme moquerie, Et c'est rendu à un tel point que si parmi les comédiens ou les humoristes, comme ils les appellent, si parmi eux il y en a qui vont pas oser parler contre la religion, eh bien ils vont pas être considérés comme étant des vrais humoristes parmi les humoristes. C'est-à-dire on va leur reprocher le fait qu'ils ne critiquent pas la religion. Et il y en a d'autres qui vont essayer de montrer que ils sont justes, dans le sens qu'ils pensent qu'ils sont justes, parce qu'ils ne critiquent pas une religion en particulier parmi d'autres. Ils disent, moi je me moque de toutes les religions. Et donc ils pensent qu'en faisant ça, c'est quelque chose qui est un signe de justice de leur part. Nasallallahu al-afiyah. Donc il se moque des fausses religions, puis il se moque également des religions de la religion de vérité qui est l'islam. Hein? Allahu musta'an. Donc ça c'est des gens, malheureusement, beaucoup de musulmans les écoutent aujourd'hui. Beaucoup de musulmans les écoutent aujourd'hui, et ça c'est très grave, c'est très dangereux. Parce que lorsque tu écoutes des gens qui se moquent des prophètes, qui se moquent des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète Isa alayhi salam, ou le prophète Moussa alayhi salam, ou n'importe quel autre prophète que Allah a envoyé à l'humanité, peu importe, c'est pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit respecter comme prophète, mais tous les messagers qu'Allah a envoyés. Et si quelqu'un se moque d'un d'entre les messagers d'Allah, eh bien c'est un acte de kufr. Hein? C'est quelque chose qui fait que quelqu'un quitte l'islam, sort de la foi. Hein? Donc si quelqu'un il se moque de Jésus, un chrétien il se fait des blagues sur Jésus, toi tu écoutes ça, tu rigoles. Hein? Ou un autre il se moque du prophète Moussa alayhi salam, toi tu écoutes ça, tu rigoles. Eh bien ça c'est kufr aussi. Hein? La même chose s'il se moque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu rigoles de ça, tu trouves ça drôle, tu écoutes ça puis tu ris. Ça aussi c'est, hein, le fait que tu acceptes ça, c'est quelque chose qui est kufr. Le simple fait de se moquer des messagers, c'est kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans un autre verset dans le Coran aussi que si tu t'assois avec eux alors qu'ils sont en train de se moquer des signes d'Allah, alors dans ce cas-là tu es complice avec eux. Même si tu prétends que tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent dans ton cœur, mais du moment que tu restes là assis et que tu ne condamnes pas ce qu'ils disent et que tu ne dénonces pas ce qu'ils disent, à partir de ce moment-là, tu es considéré comme étant un comme eux. Innakum idhan mithluhum, comme c'est mentionné dans le verset. Innakum idhan mithluhum. Donc ça c'est à propos du verdict par rapport à ce genre de choses. Hein? Et il y a des comédiens de plus en plus parmi les musulmans, que ce soit des Arabes ou des Pakistanais ou des gens de on peut dire de culture ou d'origine de certains pays qui sont traditionnellement musulmans, ils commencent de plus en plus à essayer de rentrer dans le domaine, dans le milieu du domaine de l'humorisme ou des choses de faire des blagues et des trucs de ce genre. Eh bien, parmi eux, tu vois que certains d'entre eux, ils vont essayer pour se faire accepter dans les sociétés de kufr par les kuffars. Ils vont montrer qu'ils essaient de se moquer de la religion ou de certains aspects de la religion de l'islam pour que les kuffars les acceptent, hein, et les trouvent drôles. Hein. Ils disent, ah oui, lui il est correct, il est bien. وَلَنْ تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Et les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suis leur religion. Hein? Et donc c'est ça qu'ils veulent de la part des musulmans, qu'ils deviennent des kuffars. Donc le cheikh il dit ensuite le sens général de ce verset. المعنى الإجمالي للآية يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء. Ça c'est qu'est-ce que j'ai mentionné à propos des humoristes, ceux qui font des humoristes qui font de l'humour parmi les kuffars, ou bien qui vont faire des spectacles parmi les kuffars et qui sont des musulmans. Et il y en a parmi eux, c'est des kuffars qui font des chrétiens ou des juifs ou des laïcs qui font des blagues sur les religions aussi. Et il y en a, parfois ce sont des, soi-disant même des islamistes maintenant, qui veulent faire de l'humour au nom de l'islam, qui font des spectacles de comédie, hein, pour appeler soi-disant à l'islam. Et il y a des groupes comme ça parmi les Ikhwan, même ici au Canada, qui font des spectacles comme ça. Quand ils organisent des conventions ou des séminaires, ou des trucs comme ça, ils font une partie pour l'humour. Et il y avait une conférence ici même, je me rappelle, il y a quelques années aux États-Unis puis au Canada, ça s'appelait God made me funny. Dieu m'a fait drôle, hein? Dieu m'a créé drôle. Et donc tu vois un musulman avec une grosse barbe et un kamis et une taqiyya sur sa tête et tout. Et puis, il commence à raconter des histoires, faire rire les gens et des choses de ce genre. Et parfois même, il va se moquer des aspects de la religion et de l'islam. Hein? Tout ça au nom de la da'wa et au nom de l'islam. Hein? Et pour imiter les kuffars. Ça, c'est très dangereux. C'est très grave. Et il y en a même parfois qui sont des prêcheurs, soi-disant qui sont des prêcheurs à l'islam. Et quand ils vont parler à, devant des gens, eh bien, leur discours, c'est que de l'humour et de la comédie. Et ils utilisent ça comme méthode dans la da'wah. Et quand on a demandé au cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, au cheikh, qu'est-ce que vous pensez des gens qui utilisent l'humour pour faire de la da'wah et qui font rire les gens? Il dit, ça, c'est pas de la da'wah. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas de la da'wah. Hein? Si c'est juste divertir les gens, puis les faire rire, hein, ça c'est pas de la da'wah, qu'est-ce qu'ils font. Donc, il y en a des gens, même pour faire rire les gens, ils vont se moquer d'un hadith. Hein, ça j'en ai entendu, comme Tariq Ramadan, dans plusieurs exemples, dans ses conférences, il va citer un hadith pour faire rire les gens. Comme s'il dit, ah, il y a des gens, quand un jeune il veut se marier, ils vont dire, mon frère jeûne, hein, et puis qu'est-ce que tu fais après? Eh bien jeûne. Et puis les gens commencent à rire, puis lui il fait des blagues avec ça. Ou bien d'autres exemples comme ça. Comme si en voulant dire, il faut pas, comme si tu dis aux jeunes de jeûner, mais c'est comme si c'est pas une solution ça. Hein? A'udhu billah. Donc ça c'est des exemples de certains prêcheurs là qui veulent, hein, faire rire les gens, et parfois ils vont même se moquer de la sunna pour y arriver. نسأل الله العافية. الشيخ الزي دونك يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدوا الخوض في الحديث. فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. مناسبة الآية للباب أنها تدل مع ما بعدها على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن. Donc le sens général du verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, et si tu leur demandes à ces hypocrites qui ont dit cette parole de kufr, qui ont fait ce kufr, ou qui ont dit ce qui est kufr en se moquant, en prenant la religion en raillerie, hein, et si vous venez vous excuser en disant par exemple que c'était pas votre intention de vous moquer de la religion ou de l'islam ou des musulmans ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de traiter la religion de mensonge, que vous avez seulement eu comme intention le fait de vouloir discuter, hein, de parler, de discuter, de faire des conversations, alors il leur informe que leur excuse qu'ils mentionnent ne leur servira à rien auprès d'Allah. Ce genre d'excuse ne leur servira à rien auprès d'Allah. L'occasion de la mention de ce verset dans ce chapitre, c'est que ça indique ce verset et ce qui vient après, c'est-à-dire le verset 66, hein, que celui qui se moque de quelque chose de la religion dans lequel il y a le rappel d'Allah ou quelque chose au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou du Coran, il se moque de ça, alors il a fait un kufr. Et c'est un kufr, bien entendu, qui fait sortir de la foi, qui fait sortir de l'islam. ما يستفاد من الآية؟ Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset؟ أولا أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد. Premièrement, c'est que le fait de se moquer, hein, la moquerie d'Allah, de se moquer d'Allah, de ses signes, de son messager, c'est une forme de kufr qui vient opposer le tawhid. ثانيا أن من فعل الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك. Donc celui qui fait un acte de kufr et qui prétend qu'il ne savait pas que c'était kufr, ici il n'est pas excusé pour cela. Troisièmement, وجوب تعظيم ذكر الله في كتابه ورسوله وجوب تعظيم ذكر الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم l'obligation d'avoir du respect pour le rappel d'Allah pour son livre et pour son messager صلى الله عليه وسلم. رابعا أن من تلفظ بكلام الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قال بقلبه. Donc le point numéro 4, c'est que la personne qui dit une parole de kufr, il rejette la foi, il a rejeté la foi, il est tombé dans le kufr, même s'il n'a pas cru en ce qu'il a dit avec son cœur. Comme par exemple celui qui se moque de la religion, et bien même si dans son cœur il ne se moque pas, il n'a pas dit ça pour, dans le but de se moquer, hein, mais du moment que c'est une moquerie, et bien il a rejeté la foi. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir et revenir à l'islam. Maintenant, il y a un hadith qui explique ce verset et qui mentionne la cause de sa révélation. Donc on va le lire ensemble et puis on va lire l'explication après. Il dit وعن ابن عمر ومحمد ابن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تابوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف ابن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف ابن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب ونقطع به عنا الطريق فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنزعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. Donc le cheikh il explique il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Omar et Muhammad ibn Ka'b et Zayd ibn Aslam et Qatada et ce sont des hadiths donc qui sont rapportés et le hadith de l'un entre dans le hadith de l'autre, c'est-à-dire qu'ils se complètent les uns les autres, leur hadith à propos de cette histoire. Il dit qu'il y a un homme dans la bataille de Tabouk qui a dit ce genre de paroles. Yani pendant l'expédition, lorsqu'il s'en allait à Tabouk, il a dit une parole et la parole c'est la suivante. Il dit on n'a jamais vu parmi nos on n'a pas vu de gens qui étaient comme nos savants, ceux-là qui avaient des ventres plus gourmands, des langues plus mensongères et qui étaient plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi et de qui il parlait en disant ça. Il parlait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons parmi les savants, hein, les savants parmi les compagnons. Donc il a dit, on n'a jamais vu de gens qui ont des ventres plus gourmands, des langues plus mensongères et qui sont plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi que ceux-là. Hein, imaginez. Donc quand Auf ibn Malik a entendu cette parole, il a dit, kazabt, walakinaka munafiq. Il a dit, t'as menti, mais t'es un hypocrite. Alors il dit, je vais informer le messager d'Allah de ce que tu viens de dire. Hein, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui informer de qu'est-ce que cette personne a dit. Mais lorsqu'il est arrivé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé que la révélation l'avait déjà précédé. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déjà reçu une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos de ce que cet homme-là avait dit. Et donc l'homme est venu voir le messager d'Allah, l'homme en question, c'est-à-dire celui qui avait dit cette parole. Il est allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était monté sur son chameau déjà. C'est-à-dire, il était monté, il était prêt à partir. Donc, il commençait à avancer. Alors, il a dit, « Ô messager d'Allah, nous ne faisions que discuter. Nous ne faisions que discuter comme on discute quand on est en voyage. Quand on est sur notre monture, on discute pour couper le temps, tu sais, pour faire passer le temps, pour faire passer le chemin. » Et yani, Ibn Omar, il dit, c'est comme si je vois cet homme encore qui était accroché à la selle du chameau ou de la chamelle du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était pendu à la selle du messager sallallahu alayhi wa sallam pendant que la chamelle est en train d'avancer, et ses pieds se frappent sur les pierres pendant que la chamelle avance. Et il continue à répéter, nous ne faisons que discuter et jouer, nous ne faisons que discuter et jouer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui disait rien de plus que, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes, de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam ne se tournait même pas vers lui pour le regarder, et il ne disait rien de plus que ses paroles. Hein? Donc il lui récitait les versets 65 et 66 dans sourate At-Tawbah. Ça, c'est des exemples. Et après, le cheikh il explique les gens qui sont mentionnés dans ce hadith comme narrateur. Premièrement, yani Ibn Omar, huwa Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Donc le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Ensuite, Muhammad ibn Ka'b, wa huwa Muhammad ibn Ka'b ibn Salim ibn Sulaym al-Qurzi al-Madani, wa huwa thiqatun 'alim. Mat sanata 120 rahimahullah. Donc Muhammad ibn Ka'b, c'est Muhammad ibn Ka'b ibn Sulaym al-Qurzi. Donc ça veut dire que c'était un juif qui s'est converti à l'islam, parce qu'il fait partie de Bani Qurayza, hein, Muhammad ibn Ka'b. Et il est fiqa, il est fiable, c'est un savant. Il est mort en l'an 120. Et l'autre qui est mentionné dans le début du hadith, dans l'isnad, c'est Zayd ibn Aslam. Zayd ibn Aslam, Mawla Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, wa huwa thiqatun mashhur, mata sanata 136 rahimahullah. Donc lui, c'est Zayd ibn Aslam. Zayd ibn Aslam, c'est un des servants de Omar ibn al-Khattab, un des esclaves de Omar ibn al-Khattab, et il est fiable et il est célèbre également. Il est mort en l'an 136 rahimahullah après la hijra. Et Qatada ibn Da'ama al-Sadousi, مفسر حافظ مات سنة 117 تقريبا رحمه الله. قتادة ابن دعامة السدوسي c'est un savant dans le tafsir, un mémorisateur de la sunna, hein? Il est mort en 117 après la hijra environ, رحمه الله. Et عوف بن مالك وهو عوف بن مالك الأسجعي أول مشاهده خيبر روى عنه جماعة من التابعين توفي سنة 73 هجريا رضي الله عنه. Donc عوف بن مالك c'est عوف بن مالك الأسجعي, c'est quelqu'un qui a même été présent. Sa première bataille, c'était la bataille de Khaybar, et il a et beaucoup de savants parmi les tabi'in ont rapporté des hadiths de ce sahabi. Il est mort en l'an 73 après la hijra, radiyallahu anhu. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh, il explique donc certaines paroles qui sont mentionnées dans ce hadith. دخل حديث بعضهم في بعض أي الحديث مجموع من رواياتهم أو مجموع من رواياتهم. Donc, quand il dit que les hadiths de l'un rentrent et sont rentrés dans les hadiths de l'autre, c'est-à-dire que ce hadith, c'est un recueil où il y a un rassemblement de différentes narrations, plusieurs narrations ensemble, rapportées par ces différents narrateurs. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, en parlant de qu'est-ce qui a été dit dans les paroles dans ce hadith, la parole d'un d'entre ces gens-là qui était parmi les munafiqin, quand il a dit « Mara'ayna mithla qurra'ina », il explique « Qurra'ina al-qurra jam'u qari' wa hum inda salaf alladhina yaqra'una al-qur'an wa ya'rifuna ma'anihi ». Donc quand on dit à l'époque des salafs, les récitateurs, c'est-à-dire les qurra, c'est-à-dire c'est le qurra, c'est le pluriel du muqari, c'est-à-dire celui qui lit ou qui récite. Et à l'époque des salafs, al-qurra ou al-qari, c'est celui qui lit et qui récite le Coran et qui connaît sa signification. Donc c'est les savants à cette époque-là. Arghab butunan ay awsa' butunan. C'est-à-dire des gens qui ont des gros ventres, hein, des gens qui ont des gros ventres, qui mangent beaucoup, qui aiment la nourriture. Ou sa'ubutunan yasifunahum bisi'atil butun wa kathratil akl. Donc ils les décrivent comme ayant des gros ventres et comme des gens qui aiment manger. Wa ajbanu inda al-liqa, yani liqa al-adou. Quand ils disent qui ont peur lors de la rencontre, c'est-à-dire la rencontre de l'ennemi dans la bataille. Donc ils les traitent de peureux. Il traite de gourmands, de peureux et de menteurs. A'ouzou billah. Donc, ensuite, quand on mentionne que il dit le chef, Awajad al-Qur'an qad sabakahu. C'est-à-dire, quand le sahabi, Awf ibn Malik, a entendu cette parole, il est allé pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que l'autre avait dit, mais le Qur'an l'avait précédé. أي جاء الوحي من الله بما قالوه قبل وصوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Déjà avant qu'il arrive, le prophète صلى الله عليه وسلم avait reçu la révélation à propos de cette parole. إنما كنا نخوض. Ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans la parole de cet hypocrite lorsqu'il a voulu s'excuser au prophète صلى الله عليه وسلم. إنما كنا نخوض ونلعب. أي نتبادل الحديث ولم نقصد حقيقة الاستهزاء. Donc on faisait juste parler, discuter entre nous, on voulait pas vraiment se moquer. Et le cheikh, donc il mentionne cette explication-là. Puis en fait, c'est ça. Et la réponse, on l'a dans le verset. Est-ce que c'est d'Allah, de son messager et de ses signes dont vous vous moquiez? Est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Nas'atu, an-nas'a, sayrun, madfurun, aridun, tashuddu bihi ar-rihal. Tashuddu bihi ar-rihal. Donc, il explique donc le mot an-nas'a, qu'est-ce que ça signifie? Et donc il dit que c'est les choses qu'on met sur la. Après ce que je comprends, c'est les choses avec lesquelles on fait les voyages quand on met sur la monture pour faire le. Bon, le cheikh il dit ensuite Al-ma'na al-ijmali lil-athar. Yassifu ha'ulai al-ruwat ma hasala min al-munafiqina min al-waqi'ati bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi. والسخرية بهم وذلك لما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المنافقين من الكفر والحقد وقد أظهر الله ذلك على ألسنتهم فقالوا ما قالوا فأنكر عليهم من حضرهم من المؤمنين الصادقين غيرة لله ولدينه ثم ذهب ليرفع أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الذي يعلم السر وأخفى قد سمع مقالتهم وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وصول ذلك المؤمن وحكم عليهم سبحانه بالكفر وعدم قبول اعتذارهم. ثم جاء أحد هؤلاء المنافقين معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتذاره قبول اعتذاره لأمر الله له بذلك، فلم يزد في رده عليه على ما قاله الله سبحانه وتعالى في حقهم من التوبيخ والتقريع. Donc le cheikh il explique que dans le sens général de qu'est-ce que ce hadith là de ce que cette narration a mentionné, c'est que les narrateurs de ce hadith mentionnent ou décrivent ce qui s'est produit de la part des hypocrites qui ont attaqué la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, et comment ils se sont moqués d'eux. Et cela, وما حصل من ومن ذلك لما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المنافقين. Donc à cause de ce que contiennent les cœurs de ces hypocrites comme kufr et comme haine, comme rancune. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir cette haine par leur langue, et ils ont dit ce qu'ils ont dit. Et ceux qui étaient présents parmi eux, parmi les mu'minines sincères, eh bien, ils ont condamné et critiqué cette attitude et cette parole par jalousie et par honneur pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour la religion. Et ils sont allés pour ramener cette question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire connaître, mais bien entendu celui qui connaît les paroles cachées et les paroles divulguées, et qu'est-ce qui est les paroles cachées et qu'est-ce qui est plus caché encore, qu'est-ce qui est plus secret encore, de qu'est-ce qui est même dans les cœurs, eh bien entendu il avait déjà entendu cette parole Allah subhanahu wa ta'ala, et il en avait informé son messager sallallahu alayhi wa sallam avant même que cette parole soit parvenue au messager de la part de ce croyant qui avait l'intention de venir le dire au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a jugé au sujet de celui qui avait dit cette parole et ceux qui étaient là, parmi eux, qu'ils étaient dans le coffre, qu'ils étaient tombés dans le coffre, et que leur excuse ne devait pas être acceptée. Et lorsque, par la suite, un d'entre ces hypocrites est venu donc s'excuser au messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a refusé d'accepter son excuse, parce que Allah, bien entendu, l'avait ordonné de ne pas l'accepter. Et donc, il n'a rien ajouté à sa réponse, et à son rejet de son excuse. Il n'a rien rajouté à la parole de ce que Allah avait dit dans le verset. Et il leur a répété cette parole. Qu'est-ce que Allah avait mentionné à leur sujet comme blâme. Et munasabatul al-athar lil-bab, dans quelle occasion on mentionne cette parole par rapport pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre. Il dit premièrement il dit anna fihi bayanan wa tafsiran lil ayati al karima. Donc premièrement c'est parce que il y a une explication de ce verset, de ce noble verset dans ce hadith là. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset, de cette parole, de cette narration? Il dit أولاً بيان ما تنطوي عليه نفوس المنافقين من العداوة لله ورسوله والمؤمنين. Donc c'est de clarifier ce que les cœurs des munafiqins contiennent comme haine et comme animosité contre Allah et contre son messager et contre les croyants. Deuxièmement أن من استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر وإن كان مازحا. Donc celui qui se moque d'Allah, de ses signes et de son messager, alors il est kafir, même s'il le fait pour plaisanter. Et parmi les exemples de plaisanterie, parfois, les gens, ils ont mentionné dernièrement la parole d'exemple de Muhammad, Muhammad Al-Uraifi. Muhammad Al-Uraifi, lorsque il a fait il a récité une parole qu'il a inventée lui-même et qu'il avait appelée Surat al-Tuffaha, c'est-à-dire la Surat de la pomme. Et il avait récité ça comme le Coran, il l'a appelé Surat de la pomme. Et les ulama, quand ils ont entendu ça, ils ont parlé de ça, ils ont dit ça c'est un manque de respect et c'est, hein, c'est très dangereux, ça peut même rentrer dans, hein, dans le coffre. Donc, même si lui il s'était excusé d'avoir dit ça parce qu'il voulait montrer à un chrétien la différence entre la parole d'Allah et qu'est-ce qui n'est pas la parole d'Allah, Cheikh Al-Fawzan, il a dit le fait qu'il l'appelle Surat Tuffaha puis qu'il le récite comme on récite le Coran, que ça déjà c'est grave. C'est comme il se moque de la révélation d'Allah et il essaie d'imiter le Coran, donc ça c'est très dangereux. Et donc ça peut même rentrer dans le coffre, hein, il a dit le Cheikh. Donc il faut, hein, éviter ce genre de... Il faut complètement s'abstenir de ce genre de choses-là, parce que c'est contraire, hein, à l'islam, et ça rentre même dans la moquerie. Hein. Donc il y a des fois, les gens, ils pensent vouloir faire du bien, même, ils pensent même vouloir faire la da'wah, hein, et appeler des gens à l'islam, et ils font même des choses qui sont kufr, et ils ne réalisent même pas. Hein. Et ils font ça seulement pour plaisanter, pour jouer. Comme dans le verset, Allah il le dit, à leur sujet, que eux ils ont dit, nous ne faisions que jouer et que plaisanter. Non, non, ça c'est pas une excuse. Et c'est pour ça que le cheikh il dit donc que celui qui se moque d'Allah, de ses signes et de son messager, alors il est kafir, même si il le dit en plaisantant. Le point numéro 3, anna zikra af'ali al-fussaq li wulat al-umur li yarzi'uhum ليس من الغيبة والنميمة بل هو من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Le cheikh il dit que le fait de mentionner les actions des pervers aux dirigeants des musulmans pour, hein, les réprimander, pour les punir, ça ne fait pas partie, hein, pour les faire arrêter de faire ce qu'ils font comme perversité ou comme péché, ça ne fait pas partie de la riba, ça ne fait pas partie de la médisance, ça ne fait pas partie de parler dans le dos. Ça, au contraire, c'est une nasiha, ça fait partie du bon conseil et de la sincérité envers Allah, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Hein, donc si tu vois quelqu'un qui fait des actes de perversité, ou bien qui dit des paroles de coffre ou des choses comme ça, eh bien tu le ramènes aux autorités. Tu le ramènes aux autorités pour qu'il soit, hein, jugé et puni pour qu'est-ce qu'il fait parmi les choses qui sont contraires à l'islam. Donc le cheikh il explique comme point numéro 4 al-ghilzatu ala a'da'illahi wa rasulihi. C'est-à-dire le fait de faire preuve de dureté envers les ennemis d'Allah et de son messager. On le voit dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur a mentionné le verset et qu'il ne s'est même pas tourné vers eux et qu'il ne leur a rien dit de plus que ce que Allah avait dit dans le verset. Donc ça montre que parfois, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de dureté envers les gens qui méritaient cette dureté-là. C'est pas comme certains qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours, hein, toujours en train de être gentil et doux et bon et souriant avec tout le monde. Ça, c'est pas vrai. En général, oui, mais dans les situations comme ça, lorsque ça concerne, hein, le fait de défendre la religion d'Allah et de réprimander les ennemis d'Allah ou les munafiqines et d'agir envers eux de la façon qui est convenable, eh bien, c'est dans ce cas-là, c'est de faire preuve de dureté comme Allah leur donne. Et le point numéro 5, أن من الأعذار ما لا ينبغي قبوله. C'est-à-dire qu'il y a des excuses qu'on ne doit pas accepter. Et le point numéro 6, الخوف من النفاق فإن الله سبحانه أثبت لهؤلاء بيانا إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه. Le cheikh il explique que également il y a la preuve qu'il faut faire, yani il faut avoir peur de l'hypocrisie, parce que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que il a affirmé que ces gens-là avaient la foi avant d'avoir dit ce qu'ils ont dit, hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, c'est-à-dire vous avez mécru après votre foi, c'est la preuve qu'ils avaient la foi avant d'avoir dit cette parole. Donc il faut craindre l'hypocrisie. Le point numéro 7, أن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن ناقد من نواقض الإسلام ولو لم يعتقد ذلك بقلبه. C'est que le fait de se moquer d'Allah ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam ou du Coran, c'est une chose qui annule l'islam, qui fait partie des choses qui annulent l'islam. Hein, parmi les nawaqid, hein, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a yani mentionné 10 choses qui annulent l'islam, et on a fait des cours sur ça déjà avec le livre du Cheikh Al-Fawzan. Donc ça, ça en fait partie. Le fait de se moquer de la religion, ça fait partie de, hein, de qu'est-ce qui annule l'islam de quelqu'un. Donc ça, c'est les points mentionnés à propos de ce chapitre. Maintenant, on explique l'autre chapitre qui est le chapitre 49 dans Kitab al-Tawhid. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. C'est le verset 50 dans sourate Fussilat. Donc c'est un chapitre qui mentionne qu'est-ce qui a été dit à propos de qu'est-ce qui concerne ce sujet, c'est-à-dire la personne qui s'attribue les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue les grâces d'Allah à lui-même ou à son intelligence ou à sa connaissance ou à son expérience, hein, et des choses de ce genre. Donc on va lire qu'est-ce qui a été dit dans ce chapitre. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir cité ce verset qui est le verset 50 dans sourate Fussilat, il explique donc des paroles des salafs à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que signifie ce verset dans sourate Fussilat? Le verset dit « Et si nous lui faisions goûter une miséricorde de notre part après qu'une détresse l'ait touchée, il dit certainement cela m'est dû. Et je ne pense pas que l'heure se lèvera un jour. Et si jamais je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de lui la plus belle des portions. » Nous informerons ceux qui ont mécru de ce qu'ils ont fait et nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiment. Donc ça c'est le verset en question. Et le cheikh il commente à ce sujet-là en mentionnant les paroles des salaf. Il dit « Qala mujahid, hadha bi'amali, wa ana mahququn bihi » C'est-à-dire Mujahid, un des savants de tafsir, des élèves de Abdullah ibn Abbas, il disait ce que j'ai eu comme richesse ou comme bien, ça c'est à cause de mon travail et je mérite ça. C'est-à-dire je le mérite. Je l'ai eu parce que je le mérite. Qala ibn Abbas يريد من عندي وقال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي وقال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وقال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. Ça c'est des exemples des différentes significations qui ont été mentionnées à propos de qu'est-ce qui a été dit dans ce verset. C'est-à-dire que Mujahid, il dit ça, je l'ai eu à cause de mon travail, et je le mérite. Hein? C'est-à-dire, ça c'est quelque chose que j'ai obtenu à cause de quelque chose qui est en moi, hein? À cause d'une science que j'ai, à cause d'une expérience que j'ai, à cause d'une connaissance que j'ai, à cause d'un talent que j'ai, à cause d'un don que j'ai. Hein? Donc c'est moi qui le mérite. Peu importe, qu'est-ce que ça peut être. Quelqu'un, par exemple, qui est bon dans un métier quelconque, ou qui est bon dans un travail quelconque, et il le fait et il gagne sa vie avec ça. Il a beaucoup de biens et de richesses dans sa vie à cause de ce qu'il fait, dans le commerce ou dans d'autres choses. Et il dit donc, moi je l'ai, ça c'est à cause de mon intelligence, ça c'est à cause de mon expérience, ça c'est à cause de mon talent. Hein? Je le dois à personne d'autre qu'à moi-même. Hein? Donc tous c'est des exemples de ça. À cause des connaissances que j'ai, des différentes façons de gagner de l'argent. Hein? Et d'autres ont dit des choses de ce genre. Je suis une personne qui le mérite. Hein? C'est quelque chose que j'ai parce que je fais partie des gens qui méritent ce genre de choses. Qui le méritent à cause de l'honneur que je possède, ou de ma famille, ou de mon origine, ou de qui je suis, de mon origine, ou des choses comme ça, de quel pays je suis, parce qu'on est comme ça, parce que nous on est comme ça, ainsi de suite. Le cheikh explique, « Munasabatu hadha al-bab fi likitab al-tawhid, bayanu anna za'am al-insan istihqaqihi ma hasala lahu min al-ni'ami ba'da al-darra munafin likamal al-tawhid. » Donc, pourquoi on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? Hein, c'est quoi la sagesse de mentionner ça dans Kitab al-Tawhid, ce chapitre? C'est parce que il y a des gens qui pensent que qu'est-ce qu'ils ont comme grâce après qu'ils aient eu une difficulté, que ça c'est quelque chose qu'ils ont eu parce qu'ils le méritaient seulement. Et que c'est pas parce que c'est une grâce de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, bien entendu, c'est en contradiction avec le perfectionnement du tawhid. Et il dit wala in lam lam qasamin azaqnahu ataynahu rahmatan yani ghinan wa sihhatan min ba'di darra shiddatan wa bala'an. Donc si si on leur fait goûter, c'est-à-dire si on leur donne une miséricorde, c'est-à-dire une richesse ou de la santé ou quelque chose de ce genre, après qu'ils aient eu une difficulté, c'est-à-dire un malheur ou quelque chose de ce genre, vont dire ça c'est quelque chose qui me revient, ça m'appartient, je le mérite. Je ne pense pas qu'il y aura un jugement. Je ne pense pas que l'heure va venir. Il n'y aura pas une heure du jugement dernier. Si jamais je retourne à mon Seigneur, من الكرامة وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من النعم من نعم الدنيا فهو لاستحقاقه إياه وليس لله فيه فضل. Donc le cheikh il dit si il explique donc la suite du verset, et si je retourne à mon Seigneur, c'est-à-dire il dit ça seulement comme supposition, parce qu'il ne croit pas en l'heure du jugement dernier, je ne pense pas que l'heure va venir. Mais si jamais je retourne à mon Seigneur, si jamais il y a un jugement dernier, effectivement, ça c'est la parole des athées, ou des gens qui ne croient pas en Allah, ou qui prétendent croire en Allah, mais qui ont des doutes en la résurrection, ou des choses de ce genre. Donc il dit, je ne crois pas en jugement dernier, mais si jamais il y en a un, mais quand je vais retourner vers lui, je vais retrouver du bien auprès de lui quand même. C'est-à-dire, quand je vais arriver auprès d'Allah, dans l'au-delà, je vais trouver quand même une récompense et quelque chose de bien. Parce qu'il croit hein, que ce qui parce qu'il a la croyance que ce qui lui atteint, que ce qui l'a atteint dans la dunya comme grâce, c'est uniquement à cause de ce qu'il a mérité. Et que ça, c'est pas quelque chose qui est une grâce venant d'Allah pour lui. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُخْبِرَنَّهُمْ بِمَا عَمِلُوا أي بحقيقة عمالهم عكس ما اعتقدوه من حسن منقلبهم. C'est-à-dire qu'on va informer ceux qui ont mécru. On va les informer de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de la réalité de leurs actions. Le contraire de ce qu'ils s'imaginaient, de ce qu'ils pensaient ou de ce qu'ils croyaient, hein, par rapport au fait qu'ils pensaient avoir une bonne, hein, une bonne fin ou rencontrer Allah et qu'ils vont avoir du bien, on va leur montrer la réalité de leurs actions et ils vont voir le contraire de ce qu'ils croyaient, hein, recevoir. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Et on va leur faire goûter un châtiment, hein, dur. شديد سيفير. ومعنى الآية معنى الإجمالي للآية لا signification générale de ce verset يخبر تعالى أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله وينيب إليه ويدعوه وأنه في حال اليسر والسعة يتغير حاله فينكر نعمة الله عليه ويعرض عن شكرها لزعمه أنه إنما حصلت له هذه النعمة بكده وكسبه وحوله وقوته. أعظم من ذلك أنه ينفي قيام الساعة وزوال الدنيا ويقول إن قدر قيام الساعة فستستمر لهذه الحالة الحسنة لأنني أستحقها. ثم يعقب سبحانه على ذلك بأنه لا بد أن يوقف هذا وأمثاله من الكافرين على حقيقة أعمالهم الشنيعة ويجازيهم عليها بأشد العقوبة. Le Cheikh il dit que la signification donc de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe dans ce verset que l'homme, l'être humain, lorsqu'il est dans une situation de difficulté, il devient, c'est, il s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se repent. Il revient en repentance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'invoque. Ça, c'est quand il est dans la situation de difficulté. Puis, lorsque vient la facilité et l'aisance, il change d'état. Et il commence à nier les grâces qu'Allah a placées sur lui. Et il se détourne de la reconnaissance de ses grâces. Parce qu'il pense que ce qui lui est arrivé, parmi les différentes grâces, c'est uniquement à cause de quelque chose qu'il a gagné. Et qu'il mérite à cause de sa propre force. Il l'a gagné de ses propres moyens, de sa propre force, de son intelligence ou autre. Et pire encore que ça, plus grave encore, il nie même l'heure du jugement et la fin de cette dunya. Et il dit que si jamais il y a un jugement dernier, eh bien cette bonne situation dans laquelle je suis, elle va continuer parce que je la mérite. Hein? Allahul Musta'an. Il y a des gens qui pensent vraiment qu'ils sont, hein, qu'ils sont privilégiés et qu'ils sont choisis d'Allah parce qu'ils ont du bien dans cette dunya ou parce que Allah leur a donné quelques grâces dans cette dunya, et eux ils pensent que c'est des choses qu'ils ont méritées à cause de leur statut ou de leur famille ou de leur origine ou de leur, hein, de leur force physique ou de leur, hein, apparence physique ou bien à cause de, il y en a de choses de ce genre. Ils pensent que ça c'est un signe que Allah les a choisis et que peu importe qu'est-ce qu'ils font, c'est comme ça. Et que dans l'au-delà, même s'ils y croient pas vraiment, mais que dans l'au-delà, ils vont continuer à recevoir cette grâce-là. Hein? Et donc, le Cheikh, il dit que ces gens-là, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à la fin du verset que, au jour de la résurrection, il va les hein, prendre ces gens-là et il va leur faire voir la réalité de leurs actions, de leurs mauvaises actions, et il va les rétribuer par le plus dur des châtiments. وما يستفاد من الآية أولا وجوب شكر نعمة الله والاعتراف بأنها منه وحده. Donc premièrement, il est obligatoire de reconnaître, hein, d'être reconnaissant des grâces que Allah nous a données et de reconnaître qu'elles sont uniquement de lui. Deuxièmement, تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة. L'interdiction d'être ébloui par soi-même et par notre force et notre capacité ou nos moyens et de se laisser tromper par ça, hein? Ça c'est très dangereux. Le point numéro 3, wujub al-iman bi qiyam as-sa'a, l'obligation de croire en la venue de l'heure du jugement dernier. Rabi'an, wujub al-khawf min azab Allah fil akhirah, l'obligation de craindre le châtiment d'Allah dans l'au-delà. Wa khamisan, wa'idu man kafara bi ni'matillah, la menace de celui qui renie les grâces d'Allah, hein, qui est yani ingrat et qui ne reconnaît pas les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il a mentionné, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith qui est assez long, mais qui est yani très très intéressant et très bénéfique. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. Le cheikh il cite donc cette histoire dans ce hadith. Selon Abu Huraira, il dit « An Abi Huraira radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul « Inna thalathatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma » فأراد الله أن يبتليهم. Donc, il y avait trois hommes parmi les gens de Bani Israël. Un qui était Abras, hein, c'est-à-dire il a yani comme une blancheur sur sa peau, une maladie de peau en fait. Wa Aqra, il a une maladie dans ses cheveux. L'autre, il a une maladie dans ses cheveux, sur son scalp, hein, sur son cuir chevelu. Et le troisième, il était aveugle. Donc, chacun, ils ont une maladie différente, un problème de santé différent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لول حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver, donc il a envoyé à chacun d'entre eux un ange. Alors l'ange est venu à celui qui a la maladie de peau. Et il lui a dit, quelle chose que tu aimerais le plus? C'est quoi la chose que tu aimerais le plus? Il a dit d'avoir une belle peau, hein? D'avoir une belle couleur et d'avoir une belle peau. Alors, d'avoir une belle couleur, d'avoir une belle peau, et que ce que les gens ont détesté, voir sur moi, soit enlevé. Hein, c'est-à-dire ma situation que j'ai sur la peau, que ça s'en aille. Alors l'ange l'a touché et la chose qu'il avait sur lui qui était pas beau, c'est-à-dire sa maladie de peau, elle est partie, elle est disparue. Il dit فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. Donc il a reçu une belle peau, une belle couleur. قال فأي المال أحب إليك. L'ange lui a demandé, c'est quoi la richesse ou parmi les biens celui que tu préférerais le plus. قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرة وقال بارك الله لك فيها. Donc il a répondu, j'aimerais avoir une vache ou bien un chameau. Alors, Ishaq a douté. Est-ce que c'était la vache ou le chameau? Ishaq a eu un doute. Et il a reçu donc une chamelle qui était enceinte de 10 mois environ. Et il lui a dit que Allah te bénisse dans ce bien ou dans cette richesse. Alors, ensuite, l'ange, il dit, qala atal aqra. L'ange est venu voir al-aqra, celui qui a la maladie du cuir de cheveux, du cuir chevelu. فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه فأعطي شعرا حسنا. Donc il a dit donc qu'est-ce que tu aimerais le plus? Il a dit d'avoir une belle chevelure et que la chose que les gens ont dédaignée de moi, c'est-à-dire la chose que les gens ont trouvée mauvaise sur moi, c'est-à-dire ma maladie dans mes cheveux, que ce soit quelque chose qui s'en aille. Alors l'ange l'a touché et c'est parti. Cette maladie-là est partie, il a eu une belle chevelure. Et il lui a demandé, فقال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. Donc, il a dit, et quel bien aimerais-tu posséder le plus? Alors, il a dit, la vache, une vache ou un chameau. Et donc, l'ange lui a donné donc une vache qui était portante, c'est-à-dire elle avait un petit. Elle portait dans son ventre un petit. Et donc, il lui a dit ensuite que Allah te mette la bénédiction en celle-ci. فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللَّهَ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. Donc il est allé voir l'aveugle et puis lui a dit, quelle est la chose que tu aimerais le plus? Il lui a dit que Allah me redonne ma vue et pour que je puisse voir les gens. Alors l'ange l'a touché et puis Allah lui a redonné sa vue. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Donc, après il a dit, quelle richesse tu préférerais posséder, quel bien tu voudrais posséder le plus? Il a dit, des moutons. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une brebis qui était portante, et elle a eu donc la vache et la chamelle et la vache. Elles ont porté, puis elles ont mis bas, elles ont accouché de ce qu'elles avaient dans leur ventre, et la brebis aussi. Donc chacun avait une vallée de ce que l'ange leur avait donné. Un avait une vallée de chameau, l'autre avait une vallée de vache, et l'autre avait une vallée remplie de moutons. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالله أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبله به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. Donc il est allé, l'ange est venu voir la personne qui avait la maladie de peau, et il est venu dans une apparence comme un voyageur qui est pauvre. Il a dit, je suis un homme qui est pauvre et je n'ai plus de moyens et je suis dans mon voyage et aujourd'hui donc il n'y a rien qui pourra m'amener là où je veux aller excepté par l'aide d'Allah puis ensuite par ton aide. Je te demande par celui qui t'a donné une belle peau, une belle couleur et qui t'a donné ses biens, cette richesse, de me donner un chameau pour que je puisse continuer mon voyage. Et l'homme a répondu, les droits sont nombreux, les gens qui ont des droits sont nombreux sur moi. Alors, il lui a dit, l'ange a dit, c'est comme si je te connais, comme si je t'ai déjà vu, comme si je te connais. Est-ce que c'était pas toi avant qui avait une maladie de peau et que les gens te dédaignaient, hein? Les gens te trouvaient, hein, laid et tout, et que tu étais pauvre et Allah t'a donné cette richesse? Il a dit non, j'ai hérité toute cette richesse, je l'ai hérité de père en fils, hein. Alors l'ange a dit, si tu mens, alors qu'Allah te fasse redevenir comme tu étais auparavant. Et il est allé voir, il dit ensuite, wa atal al-abras fi suratihi فقال له مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. Il est allé voir celui qui avait les problèmes, hein, de cheveux, et il a pris l'apparence d'un pauvre voyageur comme son apparence, comment il était avant. Et il lui a dit la même chose que ce qu'il a dit à celui qui avait la maladie de peau. Et l'autre, il a répondu de la même manière que lui. Et il lui a dit à la fin que si tu mens, alors que Allah te fasse redevenir comme tu étais avant. Puis, il dit, « قَالَ أَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِيَ الْيَوْمِ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهد بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط عن صاحبيك أو سخط على صاحبيك أخرجاه. Donc il a dit, il est allé voir l'aveugle dans cette image qu'il avait. Il a dit, je suis un homme pauvre, un voyageur, et je n'ai plus de moyens pour continuer mon chemin. Et il y a rien qui peut me faire atteindre ma trajectoire ou ma destination aujourd'hui, excepté par l'aide d'Allah, puis ensuite par ton aide. Il dit, je te demande, par celui qui t'a redonné la vue, hein, et qui t'a donné la vue, donc, de me donner une brebis pour que je puisse continuer mon chemin, mon voyage. Et il a dit, j'étais aveugle et Allah m'a redonné la vue. Alors, prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Par Allah, je ne vais pas rejeter quelque chose que j'ai pris pour Allah. Hein? Je ne vais pas t'empêcher de prendre quelque chose que j'ai pris pour Allah. Il a dit alors, l'ange a dit, garde ton bien. Hein? Garde tout ton bien. Car je ne suis là que pour vous tester. Vous avez été mis à l'épreuve. Et Allah a été satisfait de toi et il est en colère avec tes deux compagnons. Akhrajahu, apporté par Al-Bukhari et Muslim. Akhrajahu, c'est-à-dire par Al-Bukhari et Muslim. Abras, le Cheikh il dit, min man bihi da'ul baras, wa huwa bayadun yadharu fi zahiri al-badan li fasadi al-mizaj. Il dit que al-baras, c'est un genre de maladie, c'est-à-dire une sorte de blancheur qui apparaît sur la peau. Il y a des gens qui ont cette maladie-là. Et il dit wa aqra wa huwa man bihi qar'un wa huwa da'un yusibu as-sibyan fi ru'usihim thumma yantahi bi zawal ash-sha'r aw ba'dihi wa yutlaq al-qar' 'ala aydan 'ala as-sil'a. Il dit que Akra, ça veut dire c'est une sorte de maladie qui atteint les enfants sur leur tête et qui termine par le fait qu'il y a des trous dans les cheveux. Il y a comme des trous. Il y a des endroits sur la tête où les cheveux ne vont pas pousser. Hein? Ou bien il n'y aura pas de cheveux du tout. Et on emploie aussi al-qar à propos de certaines marchandises aussi. Et il dit wa a'ma wa huwa man faqada basarahu. L'aveugle, c'est-à-dire celui qui a perdu sa vue. Donc an yabtaliyahum ay an yakhtabirahum bin'amatihi. Allah veut les éprouver par une grâce. Hein, parce que Allah il nous éprouve par des malheurs, il nous éprouve par des grâces, hein, pour nous tester. Donc là, ils étaient malades, Allah les a rendus bien, hein, il les a guéris, il leur a donné de l'argent, et c'était ça leur épreuve. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'épreuve, c'est quand t'as la pauvreté, quand t'es malade, ils pensent que ça c'est l'épreuve. Mais quand ils sont en bonne santé, quand ils ont de l'argent, ils pensent, ah mais non, ça c'est pas une épreuve. Et ben, des fois, les épreuves dans l'aisance et dans la santé et dans la richesse sont plus dures parfois que, pour certains, que les épreuves dans la difficulté, dans les malheurs et dans la pauvreté, dans la maladie. Ça dépend, hein, ça dépend. Donc des fois on est éprouvé par le bien et des fois on est éprouvé par le mal. Comme Allah il dit dans le Coran. On a bloukoum bisharri wal khayri fitna. Et ensuite donc il dit wa yabtaliyahum qadiran innas bi kasri zal ay karihu mukhalatati wa adawni ومستقذرا من أجله قذرني شيخ الزيز تدي ils ont détesté me fréquenter et ils m'ont يعني ils n'ont pas fréquenté, ils ne m'ont pas aimé à cause de cette maladie là que j'avais. C'est vrai quand des gens ont certaines maladies qui les fait paraître vraiment laid ou qui leur donnent une mauvaise apparence, eh bien, ça fait que les gens parfois ont peur de les approcher et ils les trouvent parfois repoussants, et donc à cause de ça, tout le monde s'enfuit d'eux, hein, surtout quand ils ont des maladies qui apparaissent, qui sont apparentes, par exemple la lèpre ou d'autres maladies sur la peau ou des choses comme ça. Et donc à cause de ça, les gens ne vont pas les approcher. Cheikh Ishaq, wa huwa Ibn Abdullah Ibn Abi Talha rawi al-hadith. Donc quand il dit Shakka Ishaq, c'est-à-dire un des narrateurs du hadith, il a eu un doute lorsqu'il rapporte le hadith, est-ce que c'était une vache ou est-ce que c'était un chameau. Ashra bi dhamm al-ayn wa fath al-shin wal-mad wa hiya an-naqat al-hamil allati ata ala hamliha 10 ashhur aw 8. Donc, il a dit, à propos de la chamelle, il a mentionné qu'elle était Ashra, c'est-à-dire qu'elle était enceinte, cette chamelle, de 10 mois ou 8 mois. Walidan ay zat waladin, ou allati urifa minha kathratul waladi, wadnataj. C'est-à-dire, walidan, c'est-à-dire que c'est une vache qui était portante, qui est connue comme étant une vache qui a beaucoup de petits, beaucoup de portée. Wa antaja, yani tawalla sahib an-naqati wa sahib al-baqarati natajahuma. Donc antaja, c'est-à-dire là, ils ont eu beaucoup de bétail à cause de ça par la suite. Wa walada bi tashdid al-lam ولد يعني تولى ولادها. C'est-à-dire il a eu son petit, c'est-à-dire la brebis. وكان لهذا واد الى اخره كان لكل منهم ما يملا الوادي من الابل والبقر والغنم. Donc ils avaient chacun d'entre eux un troupeau, un grand troupeau de moutons, de chameaux et de de moutons, de chameaux et de vaches qui remplit une vallée. Et le pauvre, l'ange quand il est venu, il disait انقطعت بي الحبال اي اسباب المعيشه. الحبال c'est le pluriel de حبل qui veut dire une corde, mais dans le contexte ici c'est les moyens de subsistance, les moyens de subsistance. اتبلغ به اي اتوصل به الى البلد الذي اريده, c'est-à-dire un moyen par lequel je pourrais arriver à destination, là où je veux aller dans mon voyage. كابر عن كابر اي ورثت هذا المال عن كبير ورثه عن كبير اخر في الشرف. Donc c'est pour dire qu'il l'a hérité d'un grand, qu'il a hérité d'un grand, hein, dans la noblesse, et ainsi de suite, de génération en génération. En voulant dire qu'il ne veut pas admettre qu'il a reçu ce bien-là d'Allah. Wa sayyaraka Allah ila ma kunt raddaka ila halika al-oula bi rujou'i al-ahati ilayk. Donc qu'Allah te fasse redevenir comme tu étais avant, avec les problèmes que tu avais avant. La ajhaduka et la ashuqu alayka bi raddi shay'in ta'khudhuhu min mali. Je ne vais pas te donner aucune difficulté dans ce que tu veux reprendre ou ce que tu veux prendre de mes biens. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, le sens général de ce hadith. Yukhbiru sallallahu alayhi wa sallam an ha'ula'i thalatha alladhina usiba kullun minhum bi'ahatin fil jismi faqirun wa faqrin min al-mal. Thumma inna Allah subhanahu arada an yakhtabirahum fa'azal ma asabahum min al-ahat وأدر عليهم الأموال ثم أرسل إلى كل واحد منهم الملك بهيئته الأولى من البرص والقرع والعماء والفقر يستجديه شيئا يسيرا. وهنا تكشفت سرائرهم وتجلت حقائقهم فالأعمى اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها فأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله. وكفر الآخران بنعمة الله عليهما وجحدا فضله فاستحق السخط بذلك. Donc le cheikh explique que ces trois personnes étaient atteintes d'un problème dans leur corps, et en même temps une pauvreté dans leur richesse ou dans leur bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver et les tester. Alors il leur a fait perdre cette maladie qu'ils avaient, et il leur a donné de l'argent, et il a envoyé à chacun d'entre eux un ange dans la forme ou dans l'apparence de la maladie qu'il avait. Celui qui était qui avait la maladie de peau, l'ange lui a apparu avec une maladie de peau. Celui qui était aveugle lui a apparu qu'il était aveugle, et celui qui était ainsi de suite. Donc, il était pauvre, aveugle, et il avait toutes ces maladies. Il leur est apparu et il leur demandait un petit peu de ce que Allah leur a donné. Et c'est là que la réalité de ce qu'ils ont en eux-mêmes est apparue. Et l'aveugle, lui, c'est le seul qui a reconnu la grâce d'Allah sur lui, et qui l'a attribué à Allah, et qui a donné le droit d'Allah dans ces choses. Tandis que les autres, hein, lui, il a donc mérité la grâce et la satisfaction d'Allah, tandis que les autres ont été ingrats et ont renié la grâce d'Allah sur eux, et la grâce qu'Allah leur a faite, et donc à cause de ça, ils ont mérité la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Hein? Et donc, le cheikh dit, « Munasabatu al-hadithu l'ilbab, anna fihi bayana hali man kafara al-ni'am, wa man shakaraha. » Dans ce hadith, eh bien, pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est parce que dans ce hadith, il y a la clarification de la situation de la personne qui renie les grâces et celui qui est reconnaissant des grâces d'Allah. وما يستفاد من الحديث, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? ما il dit اولا وجوب شكر النعمة في المال واداء حق الله فيه. Donc l'obligation d'être reconnaissant envers la grâce d'Allah dans les biens qu'on possède et de donner le droit d'Allah dans ses biens. Deuxièmement, تحريم كفر النعمة ومنع حق الله في المال. L'interdiction de renier la grâce d'Allah et d'interdire le droit qui revient dans qui est le droit d'Allah dans les biens, dans les richesses qu'on possède. Donc ça c'est interdit. Point numéro 3, جواز ذكر حال من مضى من الأمم ليتعظ به من سمعه. Le point numéro 3, la permission de mentionner l'état de ceux qui nous ont précédés parmi les différentes nations, comme les Juifs et les Chrétiens par exemple, et dans ce qui contient une leçon et un exemple pour celui qui l'entend. Le point numéro 4, أن الله يختبر عباده بالنعم. C'est-à-dire que le point numéro 4, que Allah il éprouve, il teste ses serviteurs par des différentes grâces. Et le point numéro 5, مشروعية قولي بالله ثم بك. فيكون العطف بثم لا بالواو في مثل هذا التعبير. Le cheikh il dit que c'est permis de dire par Allah puis par toi. C'est-à-dire on va utiliser le terme thumma puis ou ensuite plutôt que d'utiliser et, hein, c'est-à-dire al-waw dans ce genre d'expression. Donc ça vient terminer donc le cours d'aujourd'hui, hein, le cours 57, et donc le prochain cours, on fera le chapitre 50. Le chapitre 50, parce qu'aujourd'hui on a fait 48 et 49. 40, oui, c'est ça, 48 et 49. Donc, le prochain cours, c'est le chapitre 50, Inch'Allah. Et on va probablement faire 50 et 51, et peut-être même 52. Et 53. En tout cas, c'est des petits chapitres qui suivent, ils sont pas longs, donc on pourra en faire peut-être plusieurs. Donc on s'arrête ici, inshallah, pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallam.